Geria, geria, geria. De San Salvador a Cochabamba, geria, geria. Laisse ta maison, arme ton fusil, dors au petit jour, marche dans la nuit, libertad, o muerte, Guevara l'a dit. Guevara, Guevara, Guevara. Dans chaque prison, on garde la foi. Guevara, Guevara. Ta loi est la loi de tes compagnons, ils continueront la révolution. Libertad, o muerte, contre l'oppression. Guitarra, guitarra, guitarra, pour celui qui dort seul dans la sierra. Guitarra, guitarra, chante-nous l'adieu. Adios.